J'ai demandé ma route 100 fois. J'ai même souvent parlé de toi à tous les gens qui passent. Ils m'ont pris pour un fou. Que veux-tu que j'y fasse? Voilà, je suis ce soir devant ta porte. Je vais frapper. Je voudrais que tu sortes, que tu me tendes la main. Tu me la serres au moins comme un vieux copain qui passe. Souvent je me réveille la nuit et à genoux tout seul je crie. Il fallait pas que je m'en aille, mais j'ai pas pu me retenir. Car ce soir-là, tu m'as fait mal, alors j'ai préféré partir. Je suis fou et j'ai la tête dans les étoiles. Je suis fou. Et que m'importe si on ricane, je suis fou. C'est cette histoire qui m'a fait mal, je suis sous. Et pour moi c'est devenu normal. J'ai demandé ma route 1000 fois. J'ai encore même parlé de toi à tous ces gens qui passent. Maintenant on m'appelle le fou. Que veux-tu que ça me fasse? Voilà, je suis ce soir devant ta porte. J'ai encore bu. Je voudrais que tu sortes, que tu me tendes la main, que tu me la serres au moins. Mais tout ça est si loin. Je suis fou et j'ai la tête dans les étoiles. Je suis sous. Et que m'importe si l'on ricane. Je suis fou. Cette histoire qui m'a fait mal, je suis sous. Et quand j'ai bu, ça me fait moins mal.